son débat. Eh bien putain, mais tu vas laisser ton micro éteint, tu vas faire ton boulot comme il faut au standard, ou tu fais le truc de casse, là. L'émission la plus trash de la bande FM. Gérard, l'alcoolique, sur Fun Radio. Et voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc ce soir, débat sur le bizutage. Donc pour ça, au standard, vous avez Pauline et Laurent, au 0825-08-5000, et pour les Belges, au 0033-25-08-5000. Voilà. Sur le net www.funradio.fr, donc vous avez Valérie. Bonsoir. Bonsoir à toi, Valérie. Bonsoir, Laurent. Pauline, je sais pas où qu'elle est. Elle arrive, c'est pas grave, vas-y, continue. On travaille. Et bien sûr, sur le... Bonsoir, Gérard. Sur Alaria, celui qui vous enverra des... Les boum boum. Ah, je les ai pas préparés. Ah bah si, il faut le préparer, le boum boum. Ils arrivent. Donc pour le boum boum, donc vous allez avoir Manu qui sera à l'aria. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, à toi. Merde. D'accord, ça commence déjà pas mal la soirée. Elle est déjà bien partie. Bien. Alors pour oui, tu disais Manu, on l'a le boum boum. Non mais j'ai rien dit encore, mais je le trouve, vas-y enchaîne là parce que... Alors on accueille Barbatruc de Saint-Denis, 92.4. Barbatruc, bonsoir. Bonsoir. Macouille. Macouille deux fois. Bon, je suis là, mais attends, c'est au standard là, ils sont en retard, ils mettent les gens en retard à l'antenne. Et tu te calmes hein. Je suis calme moi, tu sais, ça va. Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es médecin ou t'es plombier? Pas trop les yeux qui piquent, ça va. Non, mais t'es vétérinaire, alors ok. Bonjour, monsieur Macouille. Bonjour. Lascar. Oui. Lascar. Bonsoir Gérard. Bonsoir. C'est Lascar, j'appelle de Jolo. Et j'écoute RTL2 sur 105.9. Je te signale que t'es pas sur RTL, mais sur Fun Radio, d'accord, connard? C'est la même boutique, ouais. On est des potes. Ok, salut, et Manu. Pour finir... Ta salut. Gueule. Et pour finir, Capucine 101.9 Paris, bonsoir. Bonsoir mon bébé d'amour. Bonsoir, bonne nuit. Pardon, d'accord, je commence vachement bien mon débat, moi. Vous croyez que t'aimais pas les femmes à bite? Comment? Vous croyez que t'aimais pas les femmes à bite? Eh oh, qui c'est qui vient de dire ça? C'est Barbatruc? C'est mon bébé tranquille, là. Ah, c'est ton bébé, excuse-moi. Et attention parce que ça va gerber dans moins de 2 minutes. Ça risque de gerber, mais on peut le commencer ce débat ou pas? On va le commencer. Alors ouais, mais si j'avais un peu de lumière que je demande depuis tout à l'heure. On voit pas le rapport hein. Ouais non, mais moi je veux de la lumière pour les questions. Alors qu'est-ce qu'un bizutage? On va demander à Barbatruc. Bah c'est quand on fait plein de bisous. Oh c'est mignon. Oh putain. Ok, bon, d'accord, je vois, c'est ça. Macaille, ouais, Macouille. Un bizutage, bah, c'est quand, par exemple, tu entres dans une école, et comme t'es nouveau, bah, ceux qui sont plus anciens que toi, ils bizutent. Ils te font des bisous. Lascar. Aussi, ouais. Le bizutage, en fait, c'est un regroupement d'adeptes de bézu. C'est une secte. Putain, mais... Eh, oh, Lascar. Tout le monde s'éclate. Ah, la queue. Oh, vous fermez. Oh, qui c'est qui te mange, là? Eh, tu vas pas commencer à gueuler, hein. Et attends, toi, tu vas te calmer, tu vas faire ton... Qu'est-ce que je fais, là? Ton internet et tu te tais. Elle a pas tort, hein, parce que... Et toi, tu fermes ta gueule. Ça crie tout de suite, là. Et toi, tu... Wow. Non, mais vous allez fermer vos gueules, c'est moi qui commande. Non, mais d'accord, c'est toi qui commande, bravo. Mais on peut y aller, là, sans crier? Lascar. Lascar. Là, ouais, je rejoins Macouille et je dirais qu'en fait, ouais, c'est des gens qui se font bizuter quand ils sont nouveaux dans des établissements qui se font bizuter par les anciens. Mais ça se trouve, si je peux me permettre d'ajouter un truc, c'est que Bézu, quand il est entré à l'école, quand il était nouveau, il a dû se faire bizuter, Bézu. Ah ouais, dans la classe, tu veux dire? Ouais. Bah ouais, c'est clair. Par Blaise, Pompon, tout ça. Oh, Pompon. Je sens que Lascar, Macouille et Barbatruc, vous allez dégager dans peu de temps si mais ça non, continue. Mais attends, mais pas du tout, on répond à tes questions. Capucine, pour finir. Quand t'es nouveau, t'arrives, tu te fais taper dessus, tu te fais jeter des yaourts sur la tête, tout. Voilà. Moi, j'avais pas compris ça, hein. Je crois que c'était quand on faisait des bisous, mais en fait, c'est bizutage. Non, c'est plus violent. Non, mais attendez, y a qu'une nana sur l'antenne. Ouais. Donc, vous la laissez parler. Alors, Capucine. Donc, oui, c'est plus violent, quoi, en fait, le bisutage. Non, on a dit de laisser parler la nana. Ouais, alors moi je croyais que c'était quand on fait des bisous, parce que tu dis bisoutage, mais en fait le bisoutage c'est quand tu rentres dans une école et que tu te fais envoyer des trucs dans la gueule. C'est comme quand on arrive en prison. C'est quoi le standard là, vous me faites quoi? Mais le problème c'est GG. Le standard, vous me faites quoi? Genre, attends, pour l'instant, c'est pas à vous que je m'adresse, au standard. Ouais, soyez cool, les auditeurs. Vous me faites quoi au standard? Normalement, il n'y a qu'une nana, il n'y en a pas 50. Non, il y en a deux, puisqu'il y a Barbatruc et il y a ta petite copine Capucine qui est là aussi. Donc 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1, oui, attends, en effet. Alors pourquoi que Barbatruc, quand je lui pose la question, elle me répond en voix de mec? Ah non, j'ai une voix de fille, moi, j'ai des seins. Voilà. Bah attends, moi j'ai une bite entre les jambes et... Ah bon, demande plutôt à quelqu'un. D'accord. Et ça te sert à quoi? Ça te regarde pas. Donc, en de bon entendeur, salut, tu t'as répondu. Donc, maintenant, tu laisses parler Capucine et tu l'ouvres. D'accord? Capucine. T'as répondu, Gérard. Ok. Bon, alors... Gérard, si je peux me permettre, c'est l'ASCAR. Ouais. Le problème, c'est que t'as changé de débat en cours de route, là. Moi, j'avais un petit peu préparé sur la drogue. Donc, est-ce que c'est possible que tu demandes, en fait... Alors, toi, Lascar, ouais. Je vais te dire une chose, que tu as déjà commencé par te calmer, parce que je viens de te reconnaître. Moi, je suis défoncé, là. Hein. Ah bon? Ah bah, c'est bon, alors on a un fond dans le débat. Préparer la drogue et tout. Yes. Bon. Moi, tu le gères, ton débat, là, Gérard? Alors, je sens pas là. Que Lascar... Oui. Lascar, tu t'appelles Tony, d'accord? Et Barbatruc, tu t'appelles... Barbatruc. Non, elle s'appelle pas Barbatruc, parce que là, je vous préviens au standard... J'avais prévenu que je... Barbatruc, j'ai des seins. Ouais, mais moi, je t'emmerde. Mais elle t'a pas agressé, elle a dit qu'elle avait des seins, Gégé, c'est pas j'en grave. J'en ai rien à foutre, de manière, c'est des auditeurs qu'on a l'habitude d'avoir dans mes débats. Et, ça, il est hors de question. Eh ben, dégagez, au lieu de prendre 36 chemins, là. Tu leur dis au revoir, hein, et on continue. Au revoir, alors, un élève. Alors, qu'est-ce qu'un bizutage? Donc, c'est un élève de première année dans une classe préparatoire aux grandes écoles. Voilà. Tu sais qui t'a soufflé? La main de ma sœur dans la culotte d'un zouave. Gérard, il y a une question internet pour toi. C'est Jeune Bisute qui demande est-ce que tu t'es fait bisuter quand tu es rentré dans le cercle très fermé des routiers à la jambe de bois? Non, pas du tout. Et puis ça, c'est des questions comme ça, Valérie. Ouais, je suis désolée, c'est pas moi, Gérard. C'est Bisute qui t'a posé la question. Non, mais des questions comme ça, tu vois, je n'en veux pas. Excuse-moi. D'accord, Gérard. Cette question m'amène à une autre. Hein. Je me demandais, tu sais, bon, ça fait longtemps que t'as fun au départ, et tu sais qu'on est arrivé rue Bayard, tu t'es quand même pris une tarte à la crème, tu t'es fait entarter, hein. Et je me demandais si c'était pas un peu du bisutage. Bah, est-ce que ça rentre dans ce cadre? Oui, tout à fait, justement. Non, c'est du foutage de gueule. Non, mais de toute manière, ça, quand j'aurai de la lumière pour pouvoir dire des sondages, on verra. D'accord. Alors, y a-t-il? Oh, t'es chiant. Hein. Chiant. Bah oui, mais moi je travaille avec de la lumière lors de mes débats, je travaille pas dans le noir. Bah ça y est, allez, on y va. D'accord. Alors, y a-t-il des bisutages à la maternelle? Non, c'est même pas celle-là. Non, c'est pas celle-là, c'est pas. Qu'est-ce que le bisutage? Tu viens de le dire, c'est bien ta petite question sur la maternelle, hein. Qu'est-ce que le bisutage? Tu viens pas de la poser? On vient de le dire. Non. C'était quoi celle d'avant? Excuse-moi, juste pour savoir. Qu'est-ce que le bisutage? Tu viens de la poser, GG, excuse-moi. Non. Bon, bah, c'est pas grave, Non, non. On refait les mêmes réponses, c'est pas grave. Ok. Allez. Tony, tu fermes ta gueule, au revoir. Lascar, c'est terminé pour toi. Arrête, calme-toi. Voilà, ça c'est Lascar. Et toi, Barbatruc, fais bien attention parce que je reconnais ta voix. Tu risques de dégager. Je vois pas de quoi tu parles. Calme-toi. D'accord. Écoute ta petite femme, là. Calme-toi. Alors, qu'est-ce qu'un bisutage? Qu'est-ce que le bisutage, pardon? Ah, c'est pas la même question. Non, c'est pas du tout la même question. Il faut pas confondre tentacule et encule ta sœur, Barbatruc. D'accord. Et bah, tu vas répondre pour une fois. Si tu pouvais lâcher la grotte à ma sœur. Gérard, si je peux me permettre... Ouais, non, mais attends. Mais moi, si je peux me permettre, avant que tu me dises qui c'est qu'on va recueillir, un conseil que je te donne, ne t'amuse pas à me reprendre les mêmes auditeurs, parce que sinon, tu vas te retrouver dehors. Calme-toi, Gérard. Ok. Non, d'accord. Il t'écoute même merci. Pas. T'es sa meuf, il t'écoute pas. C'est moche. Ouais. Donc à la place de Tony, de Lascar, on va accueillir Polio Technique qui nous appelle de Katmandou. C'est 119.9, la fréquence où il nous écoute. Bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir DG, bonsoir l'équipe, bonsoir les auditeurs. Bah, Polio. Alors la question, qu'est-ce que le bisutage? On va demander à Barbatruc. Eh ben, le bisutage, c'est quand tu rentres dans une école et qu'on te jette des trucs dans la gueule. Bah, si tu veux, oui. Macaille? Ma couille, pardon. On fait le bisutage quand tu rentres dans une école et qu'on te jette des trucs à la gueule. Et qu'on te fait la bite au cirage. Ça, c'est plus à l'armée, hein, d'accord? Ouais, mais l'armée aussi, il y a des... Ouais, bah ça, oui. On en parlera après. Non, parce que c'est pas du tout dans le thème du débat, d'accord? Ça rentre dedans, hein, à fond. Hein. Ouais, non, mais c'est moi, pareil, je te le dis, non. Ça doit moins faire mal, en plus. Comment? C'est pareil. Comment? J'ai mal entendu, là. Arrête, alors, calme-toi. Polio. Tranquille. Ouais, c'est ça, c'est quand, en fait, t'accèdes à un niveau d'études élevé, style CE1 ou CE2, à ce moment-là, comme disaient les autres, les gens, ils jettent des trucs, quoi, en fait. D'accord. En fait, c'est ça, c'est pour l'élite intellectuelle, quoi, en fait. Mmh. C'est pour leur apprendre à se sentir comme des sous-merdes aussi, tu vois. Ah oh, ouais, d'accord. Il y a pas de raison, quoi. Ouais, ok. Excuse-moi, Gérard, t'as été bisuté, toi? À l'armée, mais je répondrai après. On laisse Capucine pour finir. Oui, donc le bisutage, c'est quand t'arrives en prison et que tu te fais sodomiser dans les douches. Aussi, ouais. C'est vrai. Ah, oh bah d'accord. C'est vrai. Alors, Barbatruc. Au revoir, Macaï. Au revoir. Et hop. En prison quand même. Oh, tu l'harcènes encore, mon con, aujourd'hui. Alors, excuse-moi, une question internet. Est-ce que tu t'y fais bisuter étant petit pour avoir perdu autant de dents? Alors. C'est une question d'Emmanuel Chien. Ouais, eh ben, cette question-là, j'y répondrai pas, parce que de toute manière, ma vie privée, je l'ai toujours dit que je ne la dévoilerai jamais à l'antenne. Mais les gens auraient bien savoir c'est si vrai, tu l'as jamais dévoilé ta vie privée, hein. De toute manière, je la dévoilerai jamais. C'est sûr. Ça voilà. S'est jamais produit, jamais, jamais, jamais. De toute manière, ça a été déjà. Non, mais ça a été déjà dit plus d'une fois. Et donc, maintenant, il est hors de question que je continue. Faut pas donc, tout mélanger, hein. Non, mais ça, c'est clair. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que le bisutage? Alors, le bisutage, c'est un ensemble de brimades inauthentiques qui marquent traditionnellement l'entrée de nouveaux élèves en classe préparatoire d'une grande école. Voilà ce que ça voulait dire, le bisutage exactement. Et ah ouais, quand même, il y a de la recherche là sur ce débat, je suis épaté, GG. Et donc, alors, putain, un petit sondage, alors... Que faire en cas de bisutage? Alors, il est défini dans le code pénal comme étant le fait pour une personne d'amener autrui contre son gré. Manu, s'il te plaît, me laisses finir. Contre ce regret ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors des manifestations ou des réunions liées au milieu de scolaire et socio-éducatif, quel que soit le lieu où se déroule ce délit est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Voilà. Gérard, ce que je voulais savoir si t'es visité en cours de lecture, toi, ou non? Pas du tout. Et par contre, justement, on va en finir. Et donc, finissons-en. Gérard, je peux me permettre? T'as été visité, toi? Humiliant. Je t'ai demandé si tu t'es fait visiter quand tu étais routier. Bah oui, il a dit autrui, donc il s'est fait visiter. Non, pas du tout, Capucine. Si c'est toi qui me poses la question. Oui. Non, pas du tout. Gérard, sur Internet, les gens aimeraient bien savoir quand même, hein, si tu t'es déjà fait bisouter. Je viens de dire non, donc ça y est, c'est bon, et on va pas y coucher avec cette question. Et pourquoi? Parce que c'est non, c'est tout. Est-ce que c'est vrai que quand ils ont vu ta bite, t'as vu qu'elle était toute noire, ils t'ont pas passé au cirage parce qu'ils ont cru que c'était déjà fait? Et pourquoi, Polio, que t'es aussi con et que tu as... Non, c'est pas moi, c'est pas la même voix, regarde. Ouais, ah tu... Non, c'est pas la même voix. Hein, non, mais tu te foutrais... Ah, comédien, rien à voir, c'est pas la même voix. Ouais, regarde. Non, mais tu te foutrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train? Espèce de petit con. Alors, le bisutage est-il interdit dans les écoles? On va demander à Polio. Le bisutage interdit dans les écoles, non, c'est l'essence même du bisutage. Donc, en fait, le bisutage, il est interdit partout, sauf dans les écoles, bien évidemment. Mmh. Si t'avais compris les mots du dictionnaire là quand t'as lu tout à l'heure, tu saurais que ça se passe dans les écoles. Ouais, non, mais d'accord, mais moi j'ai autre chose derrière que. Ah, autre chose derrière, ça, on sait. Ouais. Ma couille. Si je peux me permettre. Moi je dirais que en ce qui concerne le bisutage, non, c'est pas tellement interdit vu que moi j'ai entendu dire, et ça je sais pas, tu me diras si c'est vrai ou pas, qu'il existait des écoles de bisutage là où tu pouvais apprendre ce que t'avais dit là tout à l'heure, à humiler, à, tu vois, à faire des trucs, quoi. Non, à immuler, attention. Ah, pardon. Immuler. Attention. J'ai les yeux qui piquent, alors. Comment? Non, il a les yeux typiques, mais c'est qu'il y a de la lacrymo chez lui. Si je peux me permettre, oui. Sachant qu'il manque une personne pour participer à ce débat. Non, deux personnes. Non, ah, il manque une personne, Gérard. On est d'accord. Oui. Sachant que c'est Barbatruc que t'as viré, hein, seulement. Moi, j'ai préféré prendre BTS qui nous appelle de Paris. C'est 101.9, bien entendu, la fréquence. On t'écoute. Bonsoir, BTS. Bonsoir, Laurent. Faut penser à me mettre à l'antenne quand tu me dis bonsoir. Bonsoir. Laurent. Un conseil que je te donne, c'est pas toi qui donne les fréquences comme ça, c'est moi, d'accord? Quand je reçois les gens, c'est tout ce qu'il fait dans ces sur l'antenne, alors. D'accord? Alors tu t'écrases. Tu déconnes. En de bon entendeur, salut. Laurent, il remplit son quota de mots. Hein. BTS. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'applaudir. Bravo. Alors le bisutage. Mais continue, Gigi, c'était parce qu'on était pris dans tes paroles. Vous commencez à me casser les couilles. Non, on était pris dans tes paroles, là. On était dedans, t'es ouf. Non, mais je suis pas Perrin, moi, pour ça, d'accord? Alors, si vous voulez applaudir Perrin, vous l'applaudissez, mais moi, vous me laissez pas mon boulot. Alors, ta gueule. BTS. Oui, bonsoir. Alors, pour répondre à ta question, le bizutage est interdit dans les écoles, mais c'est pas pour ça que les élèves ne le pratiquent pas. Donc pour toi, ça serait non. Pour moi, c'est interdit, mais c'est pas pour ça que c'est pas fait. C'est comme, par exemple, c'est interdit de pas prendre le train sans avoir de ticket, pourtant il y en a qui le font. Voilà. Ouais, merci. Merci de ta réflexion. Capucine. Capucine. Oui. Capucine, pour toi. Oui. Il dit que c'était interdit, mais tout le monde le fait aussi. Aussi bien dans les prisons, dans les écoles, chez les routiers, partout. Donc. Alors bon, donc la question c'était le bizutage est-il interdit dans les écoles? Moi j'ai d'après ce que j'ai vu sur des sondages et tout. Donc c'est oui, d'après la loi de 1998 et 99. T'as acheté un code pénal ou quoi? Non, pas du tout. Ah bon. Mais qui ça veut dire, Gérard, c'est ma couille. Est-ce que ça veut dire que avant on avait le droit et maintenant on n'a plus le droit? De toute manière, d'après la loi de 98 et de 99, normalement, le bizutage est-il interdit dans les écoles? Ouais. Bon, d'après eux, ça serait oui. D'accord. Donc ils disent pas, c'est pas interdit, c'est oui. Mais ça dépend des lois. D'accord. Alors j'ai juste une autre question. Ça va aller très vite, mais ça veut dire que avant 98, on n'avait pas le droit et maintenant on a le droit. Bah la preuve hein. C'est ce que j'ai. Ouais, c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Merci. Une question internet, ouais, non? Ouais, en fait, il y a beaucoup de gens qui se demandent si tu vas bizuter ta nouvelle belette. Alors ça alors là non, attention. Là, je vais commencer. Je vais commencer par m'énerver. Ah. Il va commencer par ça, hein. Bon. Non. Donc ce qui va se passer avec la belette ne vous regarde pas. Toi, t'en parles alors. Toi, tu. Oh, chaudard. Il a pas tort, hein. Si j'en parle, c'est mon problème. Donc, si ce qui va se produire avec elle ne vous regarde pas, ma vie privée ne vous regardera pas. Bravo. D'accord. On est bien d'accord là-dessus, Capucine. Gérard. Capucine. Oui. Oh, ça y est, c'est terminé. Mais Gérard, je comprends pas, il s'appelle Belette ou Capucine. Comment? Belette ou Capucine? Bon, attends. Belette, c'est Capucine? Oui. Ah, d'accord. Mais attends, tu vas pas la bizuter, mais tu vas la mazouter avec ton foutre, quand même. Ça va coller. Un petit peu. Ah, il va me prendre, ça c'est sûr. C'est une marée noire, quand même. Mais t'attends que ça, en fait, je suis sûr. Ah oui. C'est un cormoran, en fait, Belette. Comment tu veux être excité? C'est la mococadie. J'ai les yeux qui piquent. Bon, Gigi, on reprend le débat. Ma couille, au revoir. Comme ça, t'auras les yeux qui piquera encore plus dans ton lit. Voilà. Comme ça. Ouais, ben, fais gaffe, polio, hein. Allez, ouais, je suis là. Allez, reprends le débat. Alors, faut-il. Bon, ben, on va, je vais poser la question. Allez, vas-y. Attends. Encore une question internet, hein. Si c'est pour une question par rapport à ce qui va se produire avec Pauline. Pas du tout. Des anguilles. Pauline, oh là. Avec ce qui va se passer. Attention, moi je préviens tout de suite. Si c'est pour poser des questions de ce qui va se produire avec Capucine, tout ça, je répondrai pas. D'accord, ok, c'est pas grave, on va laisser tomber. Il y avait une question, on pose la question. C'était une vraie question. Faut-il se faire bizuter pour intégrer un groupe ou autre? Non, pas spécialement. Même un groupe de rock, Non, il n'y a pas besoin. Si je peux me permettre, puisque nous sommes que trois dans le débat et qu'il faut une quatrième personne, on est d'accord, GG. Mmh. Moi, j'ai décidé de virer quelqu'un parce que j'ai pas beaucoup aimé la prestation de ma couille, donc j'ai. De toute manière, c'est moi qui l'ai viré. Ah bon, déjà pour commencer, c'est pour toi. Okay. Donc alors tu commences à faire ton boulot, tu me donnes le nom de la personne en espérant que ça soit pas le même. Non, c'est une jeune fille parce que depuis que t'as ta relation avec Là, on n'en a rien à. Ça te regarde pas et tu vous allez arrêter d'en parler parce que sinon. D'accord, ok, très bien. Tu as dégagé. En attendant, il y a quand même beaucoup de jeunes filles qui interviennent au standard. Et c'est Tentacule et Incultasseur qui nous appelle de Marseille et qui écoute Fun Radio sur le 112.4. Je crois que c'est ça. Bonsoir, Tentacule et Incultasseur. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Bonsoir, Tentacule. Salut, Tentacule. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Tentacule. Bonsoir. La fréquence de Marseille. J'ai oublié. Non, bien sûr. Oui. Quand vous appelez, vous êtes prié de. Quand je vous demande les fréquences, vous êtes prié de me les donner, ouais, d'accord. Je me suis réveillée pour toi. Oui, c'est ça. Arrêtez de me dire n'importe quoi parce que là maintenant ça commence à me gonfler. Moi, je kiffe. Vous commencez à me les gonfler sans arrêt à me dire ouais, je me réveille pour toi pour écouter des débats patati patata. Ah, c'est gentil. C'est alors maintenant j'en ai rien à foutre. Maintenant ça y est, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais casé, terminé, point final à la ligne. Maintenant. Ok, c'est terminé, je veux plus rien entendre. Voilà. Alors, faut-il mettre un préservatif pour faire le bisutage? On va s'écouter. Ah, on s'écoute un disque maintenant? Mais oui. À l'ennemi. Après, la question d'après, ouais. À l'ennemi, à 30. Alors, Tentacule, comme tu connais pas la fréquence de Marseille. Ouais, je vois pas le rapport, hein, pour bisuter. Je vois pas pourquoi il y aurait besoin d'un préservatif. Jusqu'ici, on n'a jamais parlé de partout en bisutage, mais bon. Ah, bah si, ça existe, hein, malheureusement. Bah, peut-être dans tes pensées, mais moi, tous les visitages que j'ai vus, c'est des trucs un peu drôles, enfin, des mecs qui se déguisaient dans la rue et tout ça. Ah, parce que pour toi? Oui. Avant que BTS, Polio et Capucine répondent. Ouais. Donc, pour toi, de voir quelqu'un se faire bisuter dans la rue, ça te fait rire. Dans la nuit. Oh non, mais attends, t'es vraiment teubé ou quoi, toi? T'es teubé? Non, je suis. T'es vraiment teubé, hein? T'es teubé. Oh là là là là. Tous des teubés. T'es teubé, alors. Je pense que c'est vraiment très drôle, quoi. Enfin, je veux dire, un mec habillé en sac poubelle dans la rue qui se les gèle, moi, ça me fait super rire. T'as été bisuté ce soir, alors, GG? N'importe quoi. C'était tous les jours. Oh là là là là là. Bah, tu veux que je te dise la vérité? Hein. Ouais, bah, à mon avis, je crois que tu te mets le doigt dans l'œil, hein, ma petite. Non, je me le mets pas là, mais c'est pas grave. Ouais, mais BTS. Eh ben, je sais pas ce qu'on t'a raconté la fois où on t'a pénétré, mais c'était pas un visitage. Hein. Mais attends, BTS. Oui. Tu parles de quoi, là? De ta garde à vue de la semaine dernière. BTS. Oui. Au revoir. Aïe. Polio. C'était pas gentil, tout ça. Fais gaffe, parce que toi, tu risques de faire pareil. C'est possible. Le port du préservatif est recommandé. Par contre, je sais pas si c'est dans ces situations-là, en fait. Honnêtement, j'ai un doute. Hein. Ta question a soulevé une espèce de doute en moi. Ah bah ça. Avant je croyais que ouais, mais maintenant je suis plus sûr, en fait. Tu me fais douter là. Ah bah ça, moi je te pose la question. Faut-il mettre un préservatif pour le bisutage? Donc pour toi, donc t'as un doute. Par précaution, t'en mets un, quoi. On sait jamais, quoi. D'accord. Voilà. Capucine, pour finir, avant que je réponde. Ça peut être utile pour les gros bisutages, par exemple si tu bisutes mon ours ou comme ça. Oula, elle est chaude, Capucine. Bon, d'accord. Toi, attends tout à l'heure. Attends, je vais m'occuper de toi. Est-ce que tu peux faire un double bisutage? C'est ça qu'elle veut dire, je pense. Non, mais toi, est-ce que toi, est-ce que tu crois que tu as continué de faire le débat? Ah non, mais c'était pour l'aider, c'était pour elle. Moi, non, mais attends, mais elle a déjà un nom, déjà pour commencer. La poulette? La belette. La boulette? La crevette? La belette. La lavette? La croquette? Alors, Polio! Au revoir! Au revoir! Voilà, oui, mon pote, bonsoir, ça va. C'est Monsieur Mazur. Monsieur Gérard, m'entendez-vous? C'est Monsieur Mazur à l'appareil. Allô? Monsieur Mazur, on vous entend. Ah, Capus. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Gérard, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous entendre. Non, mais pas moi. Parce que je vous ai pas demandé de participer au débat. Ah, écoutez, j'ai appelé le standard, j'ai passé de l'infiltration et j'ai pu pénétrer dans cette aire. Vous allez pénétrer que vous allez retourner au standard. Mais au revoir. Cela, attendez. Oh, Gigi, attends. Laisse-moi une chance, Gigi. Vous avez à mon égard une sorte de racisme, non? Non, parce que j'en ai marre que vous participez dans tous mes débats. Donc, alors, demain, on s'en bat. Salut. Il n'était pas la dernière fois. Je n'étais pas là la dernière fois. Bah non, parce que la dernière fois, je l'ai pas fait parce que, bon, alors, pour savoir, bon, pour renseigner tout, quand même tous les auditeurs et tous mes fans qui m'écoutent sur le site internet et comme j'en ai parlé à Capucine, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que je me suis pris la tête avec un contrôleur, donc je me suis fait serrer par les poulets et je suis resté jusqu'au lendemain matin, 6 heures. Voilà, c'est pour ça que vous m'avez pas eu sur l'antenne. Comme ça, qu'on arrête de me demander pourquoi j'étais pas là ce jour-là. Voilà. De toute manière, je l'avais dit à la belette le lendemain, comme quoi, que ce qui m'était arrivé. Et ce soir, ce qui a manqué de m'arriver, encore la même chose que la semaine dernière. Oh là là. Ouais, c'est vrai, bébé. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah non, pardon. T'as rigolé, toi, moi, je me suis égaré. Un vieux fantasme, GG, laisse. Putain, mais. Non, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Tes fesses, ta moustache, je sais pas. Écoute, je sais pas. C'est à toi que je m'adresse, hein, quand je dis ça. Tout ça, ça m'a mis dans tous mes états. Faut pas me piquer, mon bébé. Non, excuse-moi. Ah, c'est vrai, bébé, je te l'ai dit tout à l'heure quand je t'ai appelé. Ah ben oui, mon amour. Bon, alors maintenant, je vais répondre à la question. Alors, faut-il mettre un préservatif pour le bizutage? Non, puisque ça ne concerne pas la sexualité. Voilà ce que j'avais à dire. Alors... Je sais plus où l'on est, il patauge. Oh, il est perdu. Non. Quelqu'un en attendant, non? Peut-être. Ouais, si t'avais quelqu'un. Bien sûr. C'est Jacques Longoufouré qui nous appelle de Casablanca, si c'est sa tête. Bonsoir, jeunes gens. Bonsoir. Bonsoir, les gars. Oui, bonsoir, monsieur Lera. Par contre, là, Olivier, s'il te plaît. Oui. Olivier, je vais te demander un truc. Et là, je vais pas être méchant. C'est de savoir qui a demandé à monsieur Mazur d'intervenir dans les débats alors que, à l'heure actuelle, il y a Capucine Tentacule et le nouveau. Et Langue Fourrée. Bah, écoute, et monsieur Mazur. Moi, je veux pas m'en mêler parce que c'était débat, Gérard. Maintenant, je pense que monsieur Mazur apporte la parole quand même parce qu'il a un certain âge. Et, tu vois, il peut t'apporter des choses. Ouais, mais. Après, c'est vrai qu'il faut gérer, mais ça, c'était débat et je sais que tu peux gérer ça, quoi. Oui. Gérard. Oui. Laisse-le parler. Il a le droit, comme tout le monde. C'est qui me parle? Capucine. Ah merde, oh pardon. Ah putain, tout à l'heure, qu'est-ce qui va m'arriver sur le coin de la gueule? Pardon. Je vais taper sur les doigts. Ouais, bah, ça, je m'en doute, hein. Merde, je sais même plus où quelle est la question que je voulais poser. Parce que je voulais poser une question avec, par rapport à celle-là, mais je m'en souviens plus. Ah, c'est dommage. La question avec ça, là, tu m'avais dit tout à l'heure, mais non, c'est pas grave. Et alors, y a-t-il plus de bizutage en hiver qu'en été? Et on va s'écouter Jacqueline Lachaudasse avec Défonce-moi au foyer. On se retrouve peut-être après au 0825-08-5000, à tout de suite. Deux heures de débat de Gérard. Si vous voulez devenir routier, allez-y. N'hésitez pas. Deux heures pour ne rien dire. Si vous aimez la route, allez-y, foncez dedans. C'est les débats de Gérard sur Fun Radio. Eh ben, vous venez d'écouter Jacqueline Lachaudasse avec Défonce-moi au foyer. Et pour ça, on va récupérer pour la suite du débat. Donc, bon, si j'avais la liste. Ça dérange pas au standard que je puisse avoir une liste. On a toujours monsieur Mazur. Oh là, il y a beaucoup de monde sur internet, hein, Gérard. Hein. On a monsieur Mazur, on a Tentacule, encule ta sœur. On a Capucine, bien entendu. Alors, monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Bonsoir, monsieur Mazur. Bonsoir, c'est monsieur Mazur. Bonsoir. Ouais, bah, on le sait, monsieur Mazur. On le sait que c'est monsieur Mazur, d'accord? On va pas s'échelonner 107 ans. Tout à fait. Ça, on se l'échelonne pas. Hein. Après monsieur Mazur. On a Tentacule encule ta sœur, on a bien entendu Capucine avec nous. Ouais. Et enfin, pour terminer, en beauté, Jacques Langfourré qui est avec nous. Eh oui, toujours là. Jacques Lang, t'appelles d'où? Jacques Langfourré, je t'ai dit, j'appelle de Casablanquette, c'est 118-8. Ouais, fous-toi bien de ma gueule. Attends, 118-8. Non, mais fous-toi bien de ma gueule, comme ça ira deux fois plus vite. C'est quoi le souci, là? Non, mais c'est bien, fous-toi bien de ma gueule avec ta fréquence de merde. 118-8, c'est de la bonne fréquence. Oui, bah c'est bon, allez, hop. T'as raison. Continue, tu vas tout à l'heure, tu vas pas faire long feu. Une question, Gérard, internet. Ouais. Est-ce que le passage à l'euro est un bizutage que nous a fait subir l'État? Non, pas du tout. Et pourquoi? Non, pourquoi? Parce que je vois pas du tout le rapport, le bizutage et puis l'euro, donc je vois pas du tout le rapport avec. Voilà. Alors, bien répondu. Y a-t-il plus de bizutage en hiver qu'en été? Donc on va demander à Jack Lang. C'est pas possible d'être con comme ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est pas la peine de mettre Star Academy... pas Star Academy, mais Popstar. Hein. Star ah, c'était pas Popstar. Hein. Non, c'était quoi c'était, d'ailleurs, c'est pas moi. Donc, je sais pas. Bruno, moi, je veux Bruno. Toi, tout à l'heure, tu allais faire Bruno dans ton lit, si tu continues, d'accord? En hiver, il y a un problème au niveau du bizutage, c'est qu'il fait froid, quoi. Donc, comme les mecs, on les fait souvent galoper les michalaires, tu vois, courir dans la neige et tout, vaut mieux que ça se passe en été. Si tu veux courir dans la neige, vaut mieux que ça soit en plein été, quoi. Franchement, parce que tu te cailles moins, quoi. Mmh. Donc, l'été est plus propice. T'arrives à saisir l'essence de ce mot, l'été est plus propice au bizutage quand même. En même temps, c'est les vacances, donc pour le bizutage scolaire, c'est pas gagné. Mais bon, tu fais comme tu veux. Mmh. D'accord. Le bizutage dans les camps de naturistes aussi. C'est qui là qui parle? Capucine. Oui, Capucine. Viser, il y a le bizutage dans les camps de naturistes aussi après. C'est vrai. Ouais, mais ça, faut déjà savoir, faut pouvoir y aller, puis le pratiquer, le naturisme. C'est une écouille. Tentacule. Capucine, tu répondras tout à l'heure, ça te dérange pas? Non. Votre manière, tu viens de répondre alors. Donc, tentacule. Moi, je pense que c'est mis en été. Eh, tu peux pas baisser un petit peu ta radio, s'il te plaît, ça me ferait. La radio, elle est éteinte. Non, mais attends, tu prends pas une voix de chaudasse parce que tout à l'heure, tu as dégagé. Non, mais je prends pas ma voix de chaudasse, hein. Je parle comme je parle d'habitude. Ouais, c'est ça. Tu parles comme tu parles d'habitude alors que c'est la première fois que tu participes dans mes débats, d'accord? Oui, non, mais je parle d'habitude comme ça à tout le monde, à tous les gens qui m'entourent, pas à toi, Gérard. Ah, bah, heureusement, parce que de toute manière, c'est pas avec toi que je sortirai, hein. Oh non, mais moi non plus, hein. Ah non, mais Comment? J'ai peur. Comment? Non, rien, mais non, mais enfin, vu ton odeur. Ouais, bah, dans ce cas-là, tu vois, tu vas même pas répondre à la question, je te dis au revoir. Au revoir. Gérard, il y a une question. Question internet. Oui. Bon, je suis désolée, mais c'est pas moi, hein. Est-ce que tu prépares un bizutage avec Belette pour Halloween? Je répondrai pas à cette question. Monsieur Mazure. Oui, alors écoutez-moi, je dirais que la notion olfactive est à prohiber. Ça, c'est un premier point. Et puis, alors, on n'a pas fini avec lui. Hein. Non, absolument. On va pas. Je pense qu'effectivement, l'été est une des meilleures saisons pour pratiquer le bizutage, puisqu'elle correspond à la fin de l'année scolaire, n'est-ce pas? Tu vois? De quoi? Ça correspond à la fin de l'année scolaire. Oh là là là là là. Bon, moi d'accord. Bon. C'est l'honneur de vous informer que les cours se terminent l'été, oui. Oui, le 28 juin, merci. Absolument. La fin de l'année scolaire, on bizute à la fin de l'année. Ouais, d'accord. Et ils reprennent le 3 septembre, d'accord? Merci, monsieur Mazur, de ce renseignement-là. C'est très bien renseigné. Et attends, t'as déjà fait des fins d'année scolaire, toi, GG, ou pas? Mais qu'est-ce que... Mais je vous ai déjà dit... Putain, mais vous allez... Attendez. Ouais. Vous allez faire une chose. Mmh. Vous allez vous calmer sur ma vie privée. Ouais. Parce qu'il y a des surprises qui sont à venir dans les semaines. Oula. Voire dans les mois. Dans les semaines qui arrivent. Dans les semaines à venir, il y a des surprises. Il y a des surprises qui arrivent. Il y a des surprises qui sont annoncées. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Non, il peut pas en parler. Tu nous en as trop dit, là. Bon, alors maintenant... Non, balance pas. Maintenant, si, parce balance que... Balance pas que tu vas te faire opérer et que tu vas être une femme. Ah non, c'est pas celle-là. Non. Excuse-moi. Je sais que Manu, pour la fin de l'année... Je vais voir au bout de Boulogne, tout ça, je sais. Un striptease au bois de Boulogne. Voilà, donc vous pouvez y aller. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah maintenant que vous le savez, donc je vous ai presque vendu la mèche. Donc, avant que je réponde à la question, donc pour répondre à Monsieur Mazur, à Capucine, à Jacques Land et à Aliop. Bonsoir, Aliop. J'ai envie de les faire chier. Aliop. Aliop une fois, Aliop deux fois, Aliop trois fois, au revoir. Elle est là. Bonsoir, Toulouse 114.4, bonsoir tout le monde. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Donc, ce que je voulais vous annoncer... Merci à Aliop de me couper la parole quand je vais annoncer quelque chose. Question de monsieur Cousin. Question de ta mère, tu vas te faire enculer. Alors donc, ce que je vais annoncer, et ça fera tout le plaisir à pas mal de monde sur Internet, c'est que... Question de monsieur Cousin. C'est pas Vas-y, GG, j'ai coupé les gens. Annonce. Donc, ce qui est prévu, donc, pour l'instant, on ne sait pas encore quand ça sera, et c'est prévu, Max m'en a touché le mot. Donc, ce qui est prévu, c'est que maintenant, vous allez avoir une semaine à débat, et une semaine, une libre antenne avec moi. Oh, et Max. Comme ça, peut-être. Non, putain, on n'est pas touché. Que tu gueuleras, moi. Oh, ils vont les rechanter, ça, c'est cool, ça vous fasse plaisir. Peut-être que vous en saurez un peu plus sur ma vie privée d'ici là, mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire les dates exactes. Donc, voilà. Donc, Alliop. Moi, je sais tout sur ta vie privée. Qui? Moi. Qui? Qui, moi? Benet. Ah ouais, Benet, ouais, bah, parce que je te l'ai. Bon, toi, je le sais. Alliop. T'as confondu avec Tony, excuse-moi. Oui, c'est quoi la question, Gérard? J'ai pas entendu. Alors, par contre, au standard, au lieu de vous foutre de la gueule du monde. Oui. Oh! C'est seulement de la tienne. Tu permets? Quand j'ai quelque chose à vous dire, vous écoutez ce que je vous dis? Bien sûr. Donc. Tu travailles, c'est pour ça? Ouais, tu travailles peut-être. Mais quand je pose une question, l'auditeur. Monsieur Cousin. L'auditeur qui n'a pas entendu la question, vous êtes prié de lui répéter. D'accord, Gérard. D'accord, en de bon entendeur, salut, t'éteins ton micro. Allez, merci. Alors, Alliop. Allez, hop, c'est quoi la question alors? Moi, c'est Alliop que j'ai de marquer. Non, mais toi, tu sais pas lire. Allez, hop. Dégage-toi, Olivier. Merci. Y a-t-il plus de bisutage en hiver qu'en été? Y en a plus en été. Et pourquoi? Déjà parce que la température est plus propice, et puis c'est la saison des bisutages, tout simplement. L'ouverture du bisutage, c'est un peu comme l'ouverture de la chasse, quoi. Ça dure pendant un mois, et puis... Ah, parce que tu crois qu'en été, la chasse est ouverte? Non, c'était une comparaison, mais je vois que tu comprends pas, donc... Non, mais attends, non, mais dis carrément que je suis con, ça vaudra mieux. Non. Moi aussi, dis-le, il te demande. Non, je ne permettrai pas. Franchement, c'est possible. Je ne permettrai pas. Fais gaffe, Jack Land, parce que tout à l'heure, si tu c'est possible, tu vas dégager vite, fais bien fait, toi. Je ne parlais pas de ça, attention, il y a erreur, là. Oh, j'ai les yeux qui piquent. Tu veux des petits enfants? Ouais, c'est les yeux qui piquent. Est-ce que tu crois que c'est les mêmes gaz qu'à bon. Je sens que tout à l'heure, ça va aller très très vite. Ils ont fait rentrer Gérard dans le théâtre. Arrête de crier, Gérard. Oh non. Allez, enchaîne la question. Alliop. Alliop, bah oui, je t'ai répondu, là, ça y est. Non, mais je vais te dire une chose. L'histoire que c'est plus en été. L'histoire du théâtre, tu as te calmer, d'accord? Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, non, mais j'ai bien reconnu ta voix, d'accord? Merci. Donc, pour toi... tu parlais de la chasse, qui c'est qui a pas répondu? Capucine, oui. Oui, mais je t'ai répondu au début, hein, Gérard, dans les camps naturistes. Bah oui, t'as déjà répondu. Oui. Ils se peignent les boules, tout, ils doivent courir tout nus. Merde, bon, j'ai pas fait gaffe alors. Une réponse authentique en plus. Ah, tu m'oublies en plus? Non, je t'oublie pas, mon bébé. C'est dégueulasse. Pardon, c'est mignon. Non, désolé, ce soir, je sais pas ce que j'ai des lapsus. Ouais, Et alors, Manu, autant pour moi. Tu fais une chose, tu t'excuses tout de suite auprès de Capucine. Capucine? Excuse-toi. Je tenais vraiment. Perdu la couille. À m'excuser. C'est bon, auprès de toi, je t'emmerde vraiment et, et je t'embrasse. C'est tout pardonné. Je suis pardonné, classe quoi. La classe américaine. Et t'es vraiment une pute pas finie, toi. Hein. Une pute pas finie, ouais, si tu veux. Bon, allez, parlons peu, parlons bien. Oh bah oui, c'est nouveau. Ouais, pour une fois. Ouais, bah ouais. Pour une fois que je vais pas dire de conneries. Pour une fois que je vais pas dire de conneries. Pour une fois que t'as pas bu. Merde. Je sais même plus où j'ai ma question, moi. Oh, t'es nul. Il est perturbé, le GG, hein. Voilà. Gérard. Oui. Je te perturbe. Comment? Je te perturbe. Non, l'amour... Punaise. Bon, attendez, parce que là, je... Non, il n'y en a pas qu'en été, puisque c'est les vacances, et en hiver, quelqu'un... Je soupçonne que t'es directeur. Cela dépend des grandes écoles terminées. Oula. Ah, Hitler. Quoi? Oh non, mais non, GG, tu dis pas des trucs comme ça, t'es un gueudin ou quoi? Stop. Non, mais GG... Gérard, tu t'excuses? Oui, je m'excuse auprès des auditeurs de ce que je viens de dire. Voilà, je retire ma parole. Voilà. Pour de bon entendeur, salut pour celui qui a pas compris ce que ça voulait. Internet. Non, GG, on va mettre un disque et on revient juste après le disque. Non. Si, moi je te dis, on met un disque. Donc tu l'annonces. Non, moi je veux une question. Non, mais je te dis, on met un disque. Donc c'est pas grave, tu le désannonceras après, on se retrouve juste après pour les débats de GG.